On va parler de football avec notre. On va faire le tournée des préquins qui est arrivé cette semaine. Aujourd'hui, on va parler avec avec les Gaillards de Jonquière. Demain, on devrait parler avec Chicoutimi et jeudi Alma. Quoi qu'il en soit, il y avait le préquin en fin de semaine. Et question de savoir comment ça s'est passé. On parle avec l'instructeur chef, le coach, François Laberge. Salut François. Salut Danny. François, est-ce que ça a bien été d'abord ce préquin-là? On a terminé nos pratiques hivernales. C'est en fin de semaine qui s'en vient, le préquin. Ah, OK. Donc, c'est parce qu'Alma, c'est en fin de semaine, c'est ça? Toutes les équipes régionales tiennent leur préquin en fin de semaine parce que c'est plus facile pour les recruteurs universitaires de venir voir nos joueurs. OK. Comment que ça va se passer? C'est une fin de semaine sur 3 jours. On commence le vendredi. Pour nous, vendredi, c'est on a des petits tests physiques qu'on fait faire aux joueurs pour évaluer surtout la vitesse. Là, on n'a pas des tests en musculation, ce serait trop exigeant pour leur corps pour la fin de semaine. Donc, on fait les tests le vendredi. Ensuite de ça, on va faire beaucoup de timing, donc de l'exécution des jeux, puis de l'ajustement de formation au niveau de la défensive. Le samedi, c'est la grosse journée. Pour nous, c'est on commence avec un meeting. 2 pratiques dans la journée, donc 4 heures de pratique. Et on termine la journée avec piscine pour remettre le body des gars un peu. Pendant ce temps-là, les coachs installent le vidéo, puis on termine avec du vidéo de tout ce qu'on a fait comme opposition samedi. Dimanche matin, bon, les meetings encore avec un déjeuner. On commence avec un déjeuner, les meetings. Puis ensuite de ça, on sort dehors pour une petite pratique, timing beaucoup de timing d'exécution. Puis on termine ça avec un 12-12. OK. Pourquoi vous faites ça, hein? C'est comme une tradition. Ben, en même temps, par les règlements du RSEQ, on a droit à un nombre X de pratiques hivernales et on a droit à un 4 printemps. À partir de là, on peut plus travailler avec nos joueurs, surtout les joueurs qu'on recrute. Donc, c'est comme une fin de semaine intensive. Pour une équipe comme la mienne, qui a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur, c'est parfait, parce que là, on peut rassembler tous les joueurs ensemble, puis on prend ces 3 jours-là de façon intensive pour vraiment... Nous, on l'utilise pour installer les bases de nos systèmes offensifs et défensifs pour se préparer pour le camp du 15 août. OK. Évidemment, vous faites ça parce que le cégep se termine bientôt aussi. Là. C'est comme la fin, exactement. C'est un petit peu l'examen final, là, c'est ça? Exact. On est 2 semaines avant la fin, donc pour nous, c'est une façon de terminer notre saison d'hiver et de se préparer pour le camp d'entraînement pour qu'il va avoir lieu en août pour la saison 2020. Les joueurs, lorsqu'ils quittent, ils ont-tu un espèce de programme d'entraînement? Oui, exactement. Ils ont un programme d'entraînement fait sur 16 semaines, qui représente les 3 mois d'été à partir du lundi après le pré-camp, qui file jusqu'à la mi-août là, pour le début du camp d'entraînement. OK. Parle-moi maintenant des joueurs d'ici. Comment ils se sont comportés du côté de l'entre-saison? Ça a bien été. Malheureusement, pour Jordan et Philippe, ce qui était un petit peu plus tannant, des joueurs de hockey aussi. Hein, c'était leur dernière saison de hockey, donc on les a laissés. Puis ils ont eu une bonne saison avec l'équipe de Dolbeau. Là, ils ont gagné plusieurs tournois. Fait qu'on les a laissés faire leur hockey pis tout. Donc ils ont été présents 2 fois cet hiver sur les 5 pratiques. C'est certain que ça accumule un petit retard au niveau des... Mais on voit tout de suite que les gars ont vraiment une bonne base. Le football va être solide. Raphaël, lui, est venu 3 fois. Donc, Raphaël a fait très bien aussi. Travaillé autant comme carrière que comme receveur. Un physique incroyable. Donc, les gars vont bien utiliser cette fin de semaine-là, je pense, pour se mettre à jour, pour se donner le plus de chances possible de performer rapidement l'an prochain. Mais ça a quand même bien été. Là, on voit tout de suite que Jordan, comme porteur de ballon, a des qualités incroyables, va être très bon. Puis on a aussi nos 2 transferts de Liboisloup qu'on a vu pour la première fois en fin de semaine, la dernière pratique, là, Philippe Lavoie et William Saint-Pierre de Dolbeau. Les deux viennent du haut du lac, puis on les a eus pour la... Liboisloup a officialisé le transfert tard en cet hiver. Donc, ils ont juste pu faire la première pratique hivernale, mais déjà ont montré des super belles choses. Ça a-t-il déjà arrivé qu'un joueur n'a pas pris ça au sérieux, cet encadrement-là, ce pré-camp-là, et il a l'entraînement hivernal, puis qu'il a perdu son poste au camp d'entraînement? Oui, ça arrive. Ouais. Ouais, ben, ce qui arrive souvent, là, c'est, je te dirais que la période la plus difficile, pendant l'hiver, il n'y a pas de problème. Les jeunes sont à l'école, sont encadrés, ils ont des routines qu'ils peuvent installer. Nous, on a des programmes d'entraînement, on a deux préparateurs physiques. On va à l'extérieur faire de l'haltérophilie, de la pliométrie. On a un suivi où on amène les gars, puis les gars déboursent rien. Là, c'est payé par le programme de foot. Mmh. Fait qu'on a des choses comme ça qui font que c'est facile pour les joueurs d'y aller. La période critique d'Annie, c'est l'été. Ils ont 17, 18, 19, 20 ans. Mmh. Les amis veulent aller à la plage. Les amis veulent... Les gars souvent travaillent beaucoup parce qu'un étudiant au collège va profiter de ces 3 mois d'été pour travailler puis ramasser de l'argent. Fait que les gars travaillent, ils ont beaucoup d'argent dans leur poche. Fait que c'est là que je te dirais que le démon vient les tenter. Puis c'est l'été que le jeune peut vraiment faire mal à son temps de jeu d'automne, je te dirais. Par expérience, ça c'est beaucoup l'été que ça peut jouer. OK. Si on y allait maintenant du côté de... En début d'entrevue, tu as dit que les recruteurs vont venir voir ces jeunes-là. Les recruteurs universitaires, ça c'est le Rouge et Or, c'est le Carabin, c'est le Vert et Or, c'est même Bishop. Est-ce que tu penses que pour eux autres, c'est vraiment très important, j'imagine? Ouais, c'est vraiment important parce que eux, à l'automne, quand nous on est en saison, eux aussi sont en saison, donc ils ont pas beaucoup temps pour se déplacer, pour aller voir les jeunes. Le camp de printemps, pour eux, c'est un incontournable. Ils viennent voir les jeunes, ils embarquent sur le terrain, ils viennent voir les gars de proche, prennent des notes, puis eux, ils recrutent d'abord et avant tout des étudiants, donc ils peuvent voir un petit peu le jeune, posent beaucoup de questions dans ces camps-là. Quel genre d'étudiant il est, comment ça va à l'école, comment il est comme personne. Donc, c'est vraiment l'occasion pour ces universités-là de prendre le plus d'informations possible et de pouvoir voir le joueur en action aussi. OK. Est-ce que tu t'attends qu'il y ait des joueurs du Haut-du-Lac qui pourraient percer, qu'ils pourraient avoir une annonce de fin avec une université d'ici cet été? Pour les miens, ça va être difficile parce que c'est tous des gars qui leur restent 2 et 3 okay. saisons, même 4 peut-être. Il y a sûrement peut-être quelques gars du lac là. Moi, je sais que j'ai Simon Gagnon qui est déjà qui est un petit gars de Dolbeau, un demi défenseur qui depuis l'an passé est déjà recruté, mais il reste encore 2 saisons à Simon. Mais c'est sûr qu'on a plusieurs gars sous la loupe. Par contre, pour ce qui est des gars du Haut-du-Lac, j'ai personne qui termine l'an prochain. Donc, les gars vont être surveillés pour les 2 prochaines saisons. OK. François Laberge, gros merci. C'est fort intéressant. Puis, au plaisir de se reparler à l'automne avec l'ouverture du camp d'entraînement puis la saison. Toujours un plaisir, Danny. François Laberge, l'instructeur des Gaillards de Jean-